Salut Charline. Salut Jean-Mich. Dis, tu voudrais pas nous aider pour notre podcast? On galère sur le lancement. Ah, bah écoute, je sais pas, tu peux dire un truc du genre « Bonjour le Beans Inter, bienvenue dans l'émission qui disrupte la culture en faisant sourire Michel Houellebecq. » Bon voilà, là je te le fais à ma sauce évidemment. Ah ouais, ok, je vois. Bon, après tu présentes le concept évidemment. Tu peux dire par exemple « Le Beans, c'est quoi ?» Le Beans, c'est d'abord une légende. C'est en quelque sorte le Graal de la culture. Et ce podcast retrace la quête de ce Graal culturel par quatre jeunes aventuriers avides de connaissances. Pour parvenir jusqu'aux Beans, ils devront surmonter de nombreuses épreuves et surtout faire des chroniques culturelles, parce que bon, ça reste malgré tout un podcast. On va donc parler cinéma, musique, littérature et jouer aussi, parce que c'est marrant hein, de jouer. Bon, là, il faudra peut-être trouver un truc plus percutant, mais moi, je peux pas tout faire, hein, mon gars. Alors, Ah ouais, super. J'avais peur que les trois personnes qui vont nous écouter comprennent rien au concept de l'émission. Ok, et après? Ah bah, ça doit commencer par un truc qui claque, tu vois, qui percute, quelque chose qui accroche l'auditeur, quoi. Ok, bah, on écoute la légende du Beans, alors. C'est parti! Au commencement, il n'y avait rien. Le chaos naquit de ce rien et fut suivi de la terre à la large poitrine. Vint ensuite le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la terre immense, et enfin, le Beans, le plus beau des dieux, celui des arts, de la culture, trônant sur le sommet de l'Olympe. Pendant des millions d'années, la culture régna à travers les galaxies grâce au Beans, les hommes et les dieux se nourrissant de son élixir. Mais un jour, le Beans disparut, et le chaos se répandit aux quatre coins de l'univers. Depuis, le monde vit dans la peur et l'ennui, ne sachant que regarder, qu'écouter, que lire. Mais tout espoir n'est pas perdu, car la légende du Beans raconte que celui-ci, corne d'abondance des arts et de la culture, est caché quelque part au royaume du Beans. La prophétie prédit que l'élu ou l'élu, ultime gloseur, ultime gloseuse, chevalier de Pitchfork, héros de sens critique et valeureux consommateur de produits culturels, l'élu, disais-je, qui prouvera sa valeur en glosant plus fort que les autres lors de grandioses chroniques radiophoniques, retrouvera le Beans. Chassera de la surface terrestre la raison et le pragmatisme afin de ramener l'imagination et l'émotion comme gage de paix au royaume du Beans. Le Beans. Beans! What's that, Beans? Beans! C'est le Beans! Mais c'est quoi ce Beans? Le Beans? La quête du Graal culturel. Bienvenue dans Le Beans, le premier podcast culturel des chevaliers de la table pas tout à fait ronde. Tout de suite, on rejoint Michelle Obama, la marraine du Beans, en duplex au royaume du Beans. Michelle, vous m'entendez? Très bien, merci, j'attends currently les trois premiers Beanser. Ah, on a perdu Michelle. Nous rencontrons visiblement des difficultés techniques. Nous en profitons pour vous rappeler que Michelle est une invitée exceptionnelle et qu'elle a pris 5 minutes dans la tournée promotionnelle de son prochain livre, Becoming. Je remercie au passage l'équipe de production. Surtout Enrico, qui m'a fait un excellent poulet basquez jeudi dernier. Bravo à lui, j'étais soufflé. Il faut lancer le générique. Et ce soir, il y aura des blagues, des épreuves, récompense de l'action, un maximum de frissons, la culture comme vous ne l'avez jamais entendu. Ah, il suit la meilleure rien qui fucking marche de ce pays de merde. Oh, pardon, excusez-moi, on a Michelle Obama qui est de retour. Michelle, c'est à vous. Oh yeah, fucking French, merci de voir en direct nos trois participants arriver. Ce soir, nous recevons... Bubule. Salut à vous les petits potes, c'est moi Bubule de Bulle, héritier de la grande dynastie des Bulles, prêt à honorer le blason de mon illustre famille. Baboon. Salut les nazes, Baboon à l'appareil. J'aime pas les endives, mais j'adore le papoton d'aubergine. Je vais vous raconter ma vie sans vergogne. D'ailleurs, je viens du sud et j'ai toujours raison par conséquent. Pour finir, je vous prédis que c'est moi qui vais gagner le beans. Jean-Michel... Shampoing. Salut les Bee Gees. Bah moi c'est Jean-Mich, je suis à la cool. Trouver le beans, ça a l'air sympatoche, donc je me suis dit pourquoi pas. Non, je déconne, je suis pas là pour trier pas lourde. Je suis clairement là pour la gagne. Pour la première épreuve de ce soir, petit reminder darlings of the règle, chacun d'entre vous est à la recherche du beans. Lui ne sait quelle forme il possède, où il se trouve, quel pouvoir il recèle. Juste, actually, on sait que c'est une forme de how do you sign for fucking French, where are my notes? Grande abondance de la culture. Pour la faire simple, tu la trouves, t'es super culturé sur tout. Genre tes fucking mix de Kant, Didier Super, Hitchcock et... Homer. Pour le trouver, vous devrez prouver votre valeur culturelle et sortir vainqueur d'une série d'épreuves plus ardues les unes que les autres. Pour gagner des beans et dépasser vos adversaires, vous vous affronterez au cours de joutes verbales culturelles appelées glows. Toutes sortes de glows se glisseront sur votre chemin. Glows de type cinématographique. J'encule le cinéma français. Ça, ça claque, mon pote. Musical. Music's my life. Love music. Musique. J'aime la musique. Encore écouter de la musique de supermarché, là, remixée par des grosses tempêtes. Littéraire. À ce soir, à littérature. On tourne les pages. Littérature. Et ce soir, en littérature, nous lisons un livre. Page. Métonymie, métaphore, synecdote. Littérature. L'art littéraire, les mots. Historique. Et dans l'histoire. L'histoire. L'histoire. L'histoire. L'histoire. L'histoire. Ce soir. L'histoire. Avec un grand H. Histoire. Mais où ça? À Auschwitz, je crois. À Auschwitz? Mais c'est génial. Mais aussi, surprise. Surprise. Devine qui c'est. Surprise! Surprise, les amis! Surprise! Pas de chance. Crotte de nez. Sans attendre, la première épreuve dans cette épopée à Binzal est... L'athlétisme! Oh non, j'ai oublié mes Nike chez Kanye West la semaine dernière et je suis jamais retourné chez lui. Tranquille, j'ai fait genre 12 pompes hier soir, je suis clairement imbattable. Baboon, baboon, Misa content gagner Beans. Et merci Michel d'avoir introduit nos candidats. De rien, you son of a bitch. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter cette musique à la con? Je disais donc, pour prouver votre motivation, vous devrez au cours de cette première épreuve, courir. Un 100 mètres. But careful. Dans le sens inverse. De la gravité. Tout en récitant l'alphabet à l'envers. Le tout compte Usain Bolt. Et oui, sur la ligne de départ, Usain Bolt, 8 fois champion olympique, 11 fois champion du monde, face à une belle bande d'autocars, on peut le dire, Michel. Merci, Michel. Au départ, oh, oh, au départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, au départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui? Oh là, c'est là, lui. Là là là. Ah, Usain Bolt est éliminé. Il doit quitter la piste, c'est l'arrêt. Part dans la dignité, inutile de dire au revoir aux autres. Le départ est de nouveau donné. Très bon départ pour Jean-Michel Shampoing qui envoie directement un message fort au reste des candidats. Il y a toujours une avance considérable. Personne ne semble être capable de concurrencer sur cette course. Et oui, il continue à accélérer, c'est étrange. D'habitude, il est toujours un peu charrette sur cette distance. Ah oui, là, il prend carrément la confiance, on peut le dire. Et oui, en plus, il n'arrête pas de se toucher le cul, ça devient carrément obscène. Ah, mais je comprends mieux. Il a débridé son bouclier gravitationnel, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe! Excès d'orgueil! Ouh là là là là là là! Effectivement, on l'avait déjà remarqué sur ses précédentes courses, ce n'est pas la première fois qu'il fait preuve de trop de confiance en ses capacités. Ah, la fougue de la jeunesse! Mais que se passe-t-il, cher Binzer? Nom de Dieu! Jean-Michel Champoing est maintenant emporté à l'insu de son plein gré! C'est un moment historique ce soir! Mais non, il revient, mesdames et messieurs, c'est du jamais vu, un moment de radiophonie unique, un moment de grâce. Léa Salamé n'a qu'à bien se tenir. Jean-Michel Champoing est ramené par Michel Obama. Oui, une intervention divine! Aurait-il dérivé jusqu'aux États-Unis d'Amérique? Alors, je sais pas ce qu'il passe, mais je viens de trouver ce mec en 2017, complètement perdu à Los Angeles. Je vous le rends, je crois qu'il a un truc à vous dire. J'aime la musique. Ah, c'est à moi? Putain, je me remets pas du changement d'heure, moi. Deux mois après. Et alors? Assez de temps perdu, on va pratiquer le vrai jet lag. On part aux États-Unis. Le fait de ne pas l'accrocher, forcément. And may God continue to bless the United States of America. J'ai d'ailleurs, pour la petite histoire, écrit cette chronique en gras. Au States donc, j'ai rencontré Adam Grand du Ciel, leader du groupe The War on Drugs, qui a sorti, selon votre humble chroniqueur, LE meilleur album de l'année dernière, A Deeper Understanding. Ma boy Adam Grand du Ciel, c'est le mec qui m'a fait retourner à mes fondamentaux, qui m'a détourné du rap et des musiques électroniques, que j'écoutais pour être un mec stylé, t'as vu, pour me faire revenir au good old rock'n'roll. C'est le gars qui m'a rappelé que mon but dans la vie, c'était de savoir jouer les solos de Jimi Hendrix et de mourir étouffé dans mon vomi à 27 ans, et qu'il me restait donc qu'un peu plus de 2 ans pour achiever ce live goal. Ni une ni deux, je me pointe en bonne et due forme dans son petit studio à LA. Au début, tu vois, ça cause pas beaucoup, c'est même plutôt le malaise, honnêtement. On est tous les deux timides et pudiques, on n'est pas complémentaires, mais on se comprend, c'est l'essentiel. Il commence à me parler de ses influences, Bruce Springsteen et Bob Dylan. Sauf que moi, j'ai dû écouter 5 chansons de Springsteen dans ma vie, et Dylan, je comprends pas bien les paroles. Du coup, j'ai du mal à voir le génie en lui. Et puis, moi aussi, hein, je peux chanter du nez. Hein. Le malaise est à son paroxysme, on peut le dire. Dans ce genre de situation, j'utilise une bonne vieille astuce de mon grand-père Pépère, qu'on ne présente plus, et que j'embrasse. Boire de l'alcool, évidemment. Mais Adam me dit qu'il a arrêté de boire. Même pas une petite Amsterdamer bien tiède et ventée? Avec un peu de bave de clochard sur les bords? Non, bah non, même pas, bon. Pas super fun, le Adam. Bah moi aussi, je peux être chiant. Alors, je lui demande comment s'est passé l'enregistrement de l'album. Il me rétorque qu'il allait au studio comme s'il allait au bureau. Tous les jours, 9 heures par jour. Et qu'en plus, ce rythme spartiate l'a rendu heureux. Quand il fout rien, le mec est pas bien. Bon, dit comme ça, c'est pas avec ce gazier que t'irais en vacances à Déconneville, hein, très clairement. Mais faut dire que le gars est balèze. Moi, les stacanomistes du genre, ça me dit tu. Du coup, je commence à le tutoyer. Je commence à être un peu cul et chemise avec mon boy Adam. Alors ça parle meuf. Il me confie que pour l'album précédent de The War on Drugs, appelé Lost in the Dream, il était dans une véritable PLS mentale après la fin d'une longue relation, et que la musique et le travail l'ont aidé à sortir de cet état proche de l'Ohio, comme dirait Isabella Gianni, bien sûr. Eh mais oui, mais ça on connaît, on adore. Bravo à toi, champion. Maintenant qu'on s'est tout dit, Adam prend sa guitare et me joue un morceau. Je repense à ce qu'il vient de me dire, l'amour, la dépression, le travail, tout ça. Et je me dis qu'il a raison, ce con. Quand j'écoute son album A Deeper Understanding, et ses longues mélodies épiques, émouvantes et romantiques, je me sens nostalgique et plutôt seul, mais pas triste. Au contraire, se dégage de ses chansons un véritable sentiment d'assurance. Adam Grand du Ciel, c'est le gars qui te prend par la main et qui te dit « It's gonna be okay, man ». On entend ce son puissant et naturel, la batterie au rythme infernal, et on se dit « Ouais, ouais, ça va le faire, on sait où on va ». À ce stade, je lui proposerais bien qu'on aille ensemble dans les grands espaces américains, mais ça ferait peut-être un peu trop Brokeback Mountain. Notre relation est peut-être pas assez avancée. Alors je le laisse à son travail et je vous fais écouter Cher Binzer, The War on Drugs, le titre Pain, et sa phrase finale, Give me the deeper understanding of who I am, qui donne son nom à l'album. La chanson parle d'une douleur physique, mais selon moi, c'est aussi valable pour une douleur mentale. Pain, The War on Drugs, dans The Beans. I've been turning up the dial, but I hear no Michel Champoing gagne 15 minutes. Ah, on a eu une réaction de Owen Wilson qui suit le hashtag Beans sur Twitter. Un petit mot, Owen ? Toi, parler comme j'aime, et moi, adorer. Une réaction, les autres ? Super groupe, qui me rappelle vraiment l'année 1988, l'année de ma naissance, quand je ridais sur la route 66 avec mon pote Ben Stiller. Mais je préférais The War on Drugs quand il y avait Kurt Weill. D'ailleurs, Kurt Weill a sorti un album avec Courtney Barnett l'année dernière. J'en vois plein de super bulles à ces deux-là. Surtout à Courtney. Tiens, je profite de cette pause pour lui écrire une lettre à l'aide de mon stylo à bulles offert par mon papy, Jacques Derrida. Bah, moi, Missa, pas trop content parce qu'on n'a pas passé ma préférée de l'album. Du coup, moi, je voulais dire que ma préférée, elle s'appelle Stranger Thing. Et oui, vous avez sûrement remarqué cet accent impeccable en anglais que j'arbore fièrement parce qu'en fait, j'ai eu 19 à mon dernier exposé et j'adore la reine d'Angleterre. Et oui, alors que la course reprend, les concurrents sont à mi-parcours. Jean-Michel Champoing, toujours en tête. Jean-Michel Champoing produit son effort, en effet, mais Bubule s'accroche et cherche son second souffle. Oui, alors que Baboune est en difficulté, elle a l'air essoufflée. Oui, elle a eu une préparation difficile, on l'a vu cette année, elle a dû changer de club entre Lille et Paris, c'est pas toujours... Oh mon Dieu, Bubule vient de malencontreusement trébucher sur un bloc Beans. Et c'est un piège à loup. Bloc Beans. Ah là là, dans ces cas-là, la seule solution serait qu'il active sa glose protectrice. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ? Oui, la question est surtout, est-ce qu'il a encore la lucidité pour entamer cette action de la dernière chance ? À mon avis, non. Oui, oui, il a lancé la glose protectrice, c'est incroyable, dans les derniers hectomètres. Il manque un peu d'énergie, mais ce n'est pas la première fois que Bubule se retrouve dans cette position. Oui, c'est vrai, il a su par le passé se sortir de ce genre de mauvais pas. Et oui, voyons voir alors cette glose de défense, alors que des chasseurs s'approchent du pauvre Bubule. Cinéma. J'encule le cinéma français. Messieurs, si votre volonté est de mettre fin à mes jours à l'aide du fusil que vous pointez dangereusement devant moi et qui vous sert d'extension technique de votre virilité, laissez-moi au moins la chance de faire mes dernières prières et de gloser devant vous. Premièrement, je vous demande, messieurs, de faire parvenir cette lettre d'amour à Courtney Barnett dans les plus brefs délais. Je vous demanderai également d'offrir le dernier album de Muse à Jean-Michel Champoing pour qu'il passe du bon temps. Enfin, laissez-moi vous parler d'un homme qui, comme vous, chasse, tue et traque pour son bon plaisir. Il y a 3 semaines de cela, mon alter ego Bouboule et moi-même nous sommes rendus dans un cinéma de proche banlieue binsoise pour y voir The House That Jack Built, le dernier film du réalisateur danois Lars von Trier. Depuis Dancer in the Dark, Trier est entré dans notre panthéon des metteurs en scène contemporains. Ce réalisateur misanthrope, découvert avec l'obscur Element of Crime en 1984, est passé par des productions estampillées Dogme 95, ainsi que par les récents Melancholia et Nymphomaniac, présente cette fois l'histoire d'un serial killer, Jack, et de 5 de ses meurtres dans les années 80. Jack est un ingénieur, se rêvant architecte qui cherche à trouver le matériau idoine pour construire sa maison. Jack raconte ses meurtres au personnage répondant au doux nom de Verge, interprété par Bruno Ganz que nous connaissons sous les traits d'Adolf Hitler dans le film La Chute. Pourtant ce n'est pas Verge qui justifie le nazisme et fait office de figure phallocentrée dans le film, mais bien Jack. Car finalement, qui est Jack ? Jack, qui soit dit en passant a le nom d'un célèbre meurtrier londonien, est un serial killer. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Rongé par les tocs, il assassine ses proies méticuleusement. Seulement, Jack narre uniquement les meurtres de femmes, toutes présentées comme naïves, stupides ou insupportables. Il y a dans son récit quelque chose d'irréel qui relève davantage du fantasme. Jack jubile en rabaissant ses femmes et assure sa volonté de puissance et de domination dans le meurtre. Jack est un homme. Ces agressions ont presque toutes lieu dans un cadre privé, elles n'ont pas lieu là où on les attend, ni ne sont commises par qui on l'attend. La surprise de ces actes prive ses victimes de leur réflexe défensif. Jack peut découper, pour l'art, le sein d'une femme et le poser sans crainte sur la voiture d'un policier trop occupé à interpeller des hommes noirs. Le corps de Jack ne donne simplement pas corps à l'insécurité. Pourtant, les corps, Jack, lui, les accumule dans sa chambre froide, ce qui a le mérite de ne pas nous glacer, car on rit jaune beaucoup de cet humour noir, car finalement, Jack est blanc. Ses intentions sont insoupçonnées, insoupçonnables. Toutefois, Jack est violent, comme le montre une scène réelle de chasse. Jack est un prédateur. Il appartient à cette catégorie majoritaire au sens deleuzien du terme, conçue dans une intersection de rapports différentiels discriminants qui dominent les minorités socialement identifiables selon des catégories observables. Majoritaire, Jack est de fait un épargné. Il est épargné par la violence qu'il utilise tout en se présentant comme victime. Rhétorique zémorienne des plus efficaces. Il est épargné par le pouvoir car il est le pouvoir. Il peut accumuler des dizaines de corps au milieu de dizaines de pizzas dans sa chambre froide sans être inquiété par les autorités. Si ce n'est pour un quelconque délit de vol, Jack peut tuer. Il peut justifier l'Holocauste sans être inquiété par la justice. Mais s'il n'est pas inquiété par les lois humaines, il le sera seulement par les lois divines. Car en fin de compte, Jack n'est pas un surhomme, il est misérable, Jack est un con. Sa vanité n'a d'égal que sa bassesse, tout comme nous, spectateurs, à partir du moment où nous nous projetons sur lui et montrons de l'empathie à son égard, à partir du moment où nous comprenons ses actes, son discours. Et ce mécanisme est normal. Il est automatique car il se trouve à la limite interne du sens commun et de notre système de représentation. Car Jack est ce bel homme, interprété par Matt Dillon, icône glamour des années 90, auquel nous, spectateurs, avons pris l'habitude de nous identifier au cinéma, que ce soit lui ou n'importe quel autre beau gosse du système hollywoodien. Et si Lars von Trier, cet homme au toc, ultime provocateur accusé de fascisme, un fasciste de merde, cherche constamment à suggérer que Jack c'est lui, c'est parce qu'il veut que nous trouvions un coupable, et parce qu'il cherche à être accusé lui-même, le réalisateur, le maître du jeu, de propos intolérables, que ce soit de nazisme ou de misogynie. Et s'il fait cela, c'est pour que nous oublions, ou du moins pour que nous comprenions qu'en réalité les coupables, c'est nous. C'est nous à partir du moment où notre système de représentation tolère viol, féminicide, agression raciste et homophobe. Nous sommes coupables parce que la chasse est encore ouverte. Bubble gagne 15 beats. Ah là là, quel geste défensif de Bubule ! Les concurrents sont soufflés alors que nous avons l'occasion incroyable de recueillir des témoignages, des réactions des concurrents. Monsieur Champoin, Jean-Michel Champoin, un petit mot sur la glose de Bubule ? Oui bon, rapidement, parce que j'ai une course à gagner et le Beans a allé chercher. Moi je suis pas aussi intelligent que Bubule, j'ai pas autant poussé l'analyse, probablement aussi parce que j'ai pas passé un super moment devant ce film. Mais j'avais beaucoup aimé Mélancolia et Nymphomaniac. J'avais même aimé Dancer in the Dark. Et Dieu sait que j'ai souvent souhaité que l'inventeur du concept de comédie musicale aille se faire brûler vif. Donc notre petit Lars a de la marge avant que je puisse plus le saquer et que je l'insulte de fasciste de merde. Baboon, un petit mot sur la glose de notre bon Bubule. Moi je pose un coup de gueule. Oh. Bon, alors du coup, autant je trouve l'analyse de Bubule très fine et très pertinente, hein, autant juste, je pense que j'accepte pas ce film comme objet artistique. Oui, ni plus, ni moins. En fait, je suis quand même assez écœurée qu'au nom de l'art, du droit à provoquer, ou encore d'une position réflexive de « Oh, regardez comme je suis intelligent, je vous montre le pire de la misogynie, de la suprématie de l'homme blanc », on impose au spectateur l'intolérable. Alors oui, on peut avoir un débat, mais l'art n'est-il pas là pour provoquer, nous montrer l'intolérable, nous renvoyer à nos propres défaillances et anomalies sociétales et autres problématiques pompeuses que j'adore aborder d'habitude, sans aucun souci. Mais la question centrale ici, selon moi, est celle de la réception de l'objet culturel. Interrogeons-nous. Que ressent la majorité des spectateurs devant The House Jack Built ? Le degré d'analyse bubulien est à mon avis bien rare, et les réactions majoritaires rapportées, que je partage, allaient du dégoût à l'horreur. Un rejet viscéral de cette espèce de sadisme visuel qui ne doit pas être regardé car ne devrait pas exister, tout simplement. Ah oui, qu'on baptise Baboon la censure, qu'importe ! Le fait est que je blâme tous les objets culturels qui, au nom d'une espèce de pseudo-liberté artistique, créent et alimentent au quotidien cette mythologie sexiste qui nous imprègne et fait exister dans l'inconscient collectif ces représentations violentes comme étant du royaume des possibles. Alors l'autre trou du cul, là, il va se calmer sa joie, arrêter de nous pondre des merdes d'hypienne tous les 3 ans parce que sinon on va se prendre une bonne tatane de Baboon dans sa ganache. Et Baboon qui a activé son coup de gueule, mais trop occupée à rager, elle perd du terrain. Oui, effectivement, elle a manqué de pragmatisme. Elle n'aurait pas dû activer son coup de gueule à ce moment-là. Le timing était mal choisi. C'est une erreur élémentaire. Damn it! Rookie mistake! Oui, c'est sûr, on vous apprend ça dans toutes les écoles du Beans. On se demande même comment elle a été sélectionnée. Et pendant ce temps, Bubu en profite. Il s'est défait du bloc Beans et tente de rattraper son retard sur Jean-Michel Shampoing. Oui, Jean-Michel Shampoing, toujours en tête et qui fanfaronne. Oui, mais que fait-il? Il signe des autographes. Il est bien sûr de lui, on reconnaît bien là Jean-Michel Shampoing. Un style caractéristique, c'est sûr qu'il a un rôle à jouer, ça fait partie du personnage. Mais c'est aussi ça qui risque de causer sa perte. Oui, alors que Bubule remonte. Ah, ce diable de Bubule, on ne l'attend pas, mais il est là, endurant et déterminé. Ah, la ligne d'arrivée est proche et Baboon est totalement chiffon carpette. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais. Elle semble jeter l'éponge dans cette quête de bits. Elle s'est arrêtée sur le bord de la piste. Mais non! Oh là là, que fait-elle? Oui, quel risque pris par Baboon. Ah, quel panache! La fédération laissera-t-elle passer cette nouvelle entorse au règlement? Ouais, Baboon est connu pour ses prises de risque et son audace autant sportive que culturelle. C'est aussi comme ça qu'avance le sport, c'est vrai! C'est totalement inconsidéré. Pas ça! Pas du tout avec pas les dégâts. Baboon! Pas ça! Baboon! Non. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Oui, contre toute attente, Baboon dégaine son pouce. Oh mon Dieu, nous sommes en train de vivre, mesdames et messieurs, un second moment d'anthologie. Ça fait partie de ces moments qui marquent l'histoire du sport. Baboon utilise le tire-fesse spatio-temporel et invoque l'esprit de la DeLorean. Oui, parce qu'en fait, moi, mon chat, il s'appelle McFly, et même que je l'appelle Makuchu. Wouh, c'est parti! On me signale dans l'oreillette. Oui, merci Enrico. Et d'ailleurs, ta tarte tatin l'autre jour, incroyable. Hein. On me signale dans l'oreillette que Baboon est retournée en l'an 1137 en Aquitaine. Elle en a profité pour modifier sa lignée familiale afin de se rendre plus rapide. Ah, c'est très bien joué, très belle passe. On ne peut que s'incliner devant le jeu stratégique de Baboon. Oui, parce qu'en fait, moi, j'aime bien jouer aux échecs. Notons que ce n'est pas sans risque au niveau génétique. C'est avec une telle stratégie que les frères Bogdanov se sont retrouvés avec un tel faciès. Oui, Baboon cumule les prises de risque et se lance dans une glose de la dernière chance, la glose historique, qui, comme chacun sait, est une glose très technique. Ah oui, Michel, ça, parmi les gloses, c'en est une belle. Avec un grand H, histoire. Salut les nazes. En septembre, j'ai lu La Révolte, de Clara Dupont-Mono. Un roman qui explore la relation entre Richard Cœur de Lion et sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Après ça, la machine infernale de l'obsession était lancée. Je suis devenue Baboon, passion Aliénor. Baboon! Plantons le décor. L'Europe, le Moyen-Âge, le 12e siècle. Plus précisément, l'année 1137. À l'époque, le royaume de France, c'est quoi? C'est grossièrement trois belus qui se courent après, et au milieu, Paris, champ de boue et d'excréments. Le tout plus ou moins bien dirigé par ce qu'on appelle le roi le moins charismatique de l'histoire de France, j'ai nommé le sorti de l'œuf Louis VII. La vraie puissance, c'est l'Aquitaine, avec à sa tête la duchesse Aliénor d'Aquitaine. Aliénor, elle reste mariée 15 ans au roi de France, mais la sudiste qu'elle est, ça la gonfle, la cour royale, ses peignes-culs et ses esclandres de pacotille. En plus, le Gugus Louis VII, bon qu'on se le dise, hein, il a quand même l'air chiant comme une truelle. Donc elle ronge son frein quelques années, ou comme on dit de nos jours, elle mange son seum, et elle rencontre le jeune Henri Plantagenet. Coup de foudre, ni une ni deux, elle fait annuler son mariage, et elle repart vers l'Aquitaine où elle épouse le futur roi d'Angleterre. Mais le Plantagenet se révèle rapidement tyrannique, irascible, incapable de déléguer son pouvoir et surtout pas à ses fils. Pire encore, il va traiter l'Aquitaine comme terre conquise. Alors Aliénor, elle se débine pas, et elle rompt la paille. Elle complote avec ses fils et son ex-mari d'une révolte pour renverser Henri II. Si, et si c'est bon ça ? C'est un échec. Henri II soumet ses fils et enferme son épouse. On imagine cette femme extravertie et excentrique emprisonnée pendant 15 ans et on se dit c'en est fini d'elle, merci, bonsoir, tirez le rideau, la farce est jouée, mais non ! Aliénor, elle met une douille à ses détracteurs et au sens commun, et elle sort de sa geôle grandie. L'isolement l'a calmée en renforçant sa détermination. Au milieu de l'hiver, elle a découvert en elle un invincible été. Qu'importe que le vent hurle, La montagne jamais ne ploie devant lui. Alors, d'accord. Une vie fantastique, certes, mais rien de bien original. Vous me direz encore des histoires de seigneurs et rois moyenâgeux moyennement intéressants qui se tirent la bourre pour une parcelle de terre ou une once de pouvoir. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je suis tombé amoureux de cette femme, et pour ça, je vais vous parler de pouvoir, de haine et d'amour. Le pouvoir, Aliénor en raffole. Le combat et la lutte coulent dans ses veines. Une main de fer dans un gant de fer. On dira banalement force de la nature, moi je rétorque, t'en as divine. Elle arrive quand même à être reine de France et d'Angleterre, à divorcer de son premier mari et se révolter contre le deuxième, elle part en croisade en Orient, elle envoie paître les conventions sociales, elle scandalise, elle défie l'église. Au final, elle est l'objet de 1000 rumeurs et 1000 rejets qui sont révélateurs de l'attraction et de la fascination qu'elle exerce sur les autres. La haine Aliénor l'apprivoise. Personne ne la trahit sans en subir les conséquences. Elle fait la guerre car elle est la guerre. Au lieu de se laisser submerger et détruire par sa colère et sa haine, elle en canalise la violence et elle la tourne contre tous ceux qui oseraient toucher à tout ce qu'elle tient cher. Elle est la citadelle imprenable. Mais le revers de la médaille, c'est qu'elle porte en elle la solitude, à la fois comme un cadeau et comme un fardeau. Et il y a une beauté triste à ça. Il n'y a pas plus à fleur de peau qu'une reine des glaces. Parce que l'amour, Aliénor en déborde. De l'amour pour ses terres et son pays qu'elle connaît sur le bout des doigts. De l'amour pour ses habitants, celui dont elle partage les traditions et le caractère. De l'amour pour les histoires et les contes, elle qui ne voyage nulle part sans ses poètes et ses troubadours, elle qui initie le renouveau des légendes arthuriennes et de la table ronde. De l'amour pour sa famille et ses 8 aiglons qu'elle protège bec et ongle. De l'amour pour la vie et ses remous. Finalement, de l'amour pour l'amour. Qu'importe, cette femme c'est une rafale. C'est un mistral tissé de passion, d'émotion, de déchirement, le tout pétri par des idéaux d'honneur et de grands serments. Elle ne tolère pas la demi-mesure, le compromis ou bien la diplomatie. Ce gros mot qui sert de bouclier aux faibles. Elle est un monde à elle seule sur lequel ni dieu ni roi n'auront eu d'emprise. D'aucuns parleront de modernité à son sujet, je dirais plutôt liberté. Elle a joué sa carte de reine de cœur et de colère sur l'histoire, et en tout cas moi elle m'a conquise. Clara Dupont-Mono lui invente une devise qui se suffit à elle-même, relève ce qui est détruit, conserve ce qui est debout. Allez, tchou les nazes. Baboon gagne 15 minutes. Eh bien, sans doute, et même assurément, une femme d'exception. Après, je dirais moins estimable que Courtney Barnett et que ma grand-mère, Olympe de Bulle, mais on peut lui attribuer les mérites du courage et de l'audace. Je lui donne donc une bulle d'encouragement. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la révolte de Clara Dupont-Mono et j'ai même adoré la dernière phrase de ta chronique. C'est très bien écrit, ça se lit facilement, c'est vraiment un bon livre. On dit oui. Je comprends la passion Aliénor, mais ce livre, c'est selon moi avant tout un livre sur les relations mère-fils, et je me suis plus identifié à Richard Cœur de Lion qui raconte l'histoire qu'à Aliénor. Voilà. Et l'épreuve est terminée, mesdames et messieurs. Nos trois aventuriers du Beans sont arrivés en même temps à la ligne d'arrivée. C'est une première épreuve historique d'anthologie qui restera dans les mémoires. Michelle Obama doit donc maintenant les départager au nom du Beans. Attends, mais le classement, c'est la vie. Les forts, ils doivent écraser les nuls. Or, il s'avère que le gagnant est... Bubble. Beans win! Il est le seul n'ayant pas essayé de tricher durant ce sprint endiablé. Souvenez-vous de Jean-Michel Champoin trafiquant son régulateur de gravité, ou de Baboon voulant prendre de l'avance grâce à la DeLorean. Qui plus est, il est celui qui a remporté le plus de beans. C'est donc tranché. Bubule remporte le badge Impose ton son. Impose ton son, oh oh, sans poser de questions, oh oh, impose ton son. Le badge est épinglé sur le torse luisant de Bubule par Michelle Obama. Ah, merci Michel, on peut dire que vous êtes une formidable arbitre. Vous n'avez pas besoin d'assistance vidéo pour identifier les vrais numéros 10. Mais bon, l'aventure ne fait que commencer et l'important, c'est les 3 points. Enfin, surtout les 99 que je viens de cumuler. Eh, mais vu le fait, tu nous fais quoi avec ton badge Impose ton son là ? Eh bien, mon cher Jean-Michel, pour les Beanzers, j'ai décidé d'utiliser mon badge Impose ton son avec cette track de ce superbe album de Blood Orange, Negro Swan, sorti en 2018, sans doute un des meilleurs albums sortis cette année-là. La chanson s'appelle Chewing Gum, elle est en featuring avec Monsieur A$AP Rocky. Alors on écoute ça, Devon Dehines, aka Blood Orange, featuring A$AP Rocky, Chewing Gum. thing that this world is ours. Selfish with that pussy like it's mine. Peppermint, double mint, experiment type of she the type of chick to get right on the dick. Ride on the dick with no license and shit. No relatives, sentimentals, detrimentals. Cause compared to this relevance, she the type of chick to get right on the dick. Ride on the dick with no license and shit. Back and forth, wall to wall, use a jaw, lost the draws. Pussy got one letter R, and it's so good. Shout out my ex though, she was the best though. Got on my gym nerves, hella fresh though. I bought back that shirt, she had a mesh shirt. I turned it to a sweatshirt, throwing that sweatshirt. She fuck with Earl too, she fuck with girls too. I fuck with her too. Tell her quit the chat and jaws made for chewing. If you fucking with me, bet you know what you're doing. Like. Mais vous pensez qu'il a quelle forme le Beans ? Bah, moi de ce que j'ai compris, c'est une corne d'abondance, non ? Ouais, en forme de coupe, ouais. Mais vous n'avez toujours pas compris. On n'est pas là pour trouver un objet matériel. C'est pas quelque chose que tu as, le Beans. C'est quelque chose que tu es. Mais t'en as pas marre d'être chiant, toi ? Ouais. J'ai entendu un bruit, là. Mais attends, c'est quoi ? Hein ? Bonsoir, jeunes aventuriers. N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Mon nom est Jacob Acid. C'est qui celui-là ? Eh bien, figurez-vous qu'en traînant dans les pires tavernes du royaume du Beans, j'ai ouï dire que vous étiez en quête du Beans. Je pourrais peut-être vous aider dans cette quête. T'as pas des sardines plutôt, parce que moi j'en ai plus pour ma tante. Eh bien écoutez, si je vous fournis les informations que j'ai, vous aurez des sardines à n'en plus pouvoir, car tenez-vous bien, je peux vous amener aux Beans. Moyennant bien sûr quelques Beans. Cela va de soi. Alors qu'en dites-vous ? Bah... Enfin... Pourquoi pas ? Je suis plutôt partant, mais pas dans Tourloupe. Hein. Il faut respecter la loi. Ah, oh, jamais dans Tourloupe. Nous verrons ça demain, ne vous inquiétez pas. Le Beans. Beans, Beans, Beans. Beans. What's that, Beans, Beans? C'est le Beans. Mais c'est quoi ce Beans? Le Beans, la quête du Graal culturel.